Alors, comment se passe votre nouveau travail? Bof, je ne suis pas enthousiaste. Et pourquoi? Vous savez, je m'ennuie. Je n'ai pas grand-chose à faire, aucune décision importante à prendre, pas de responsabilité. C'est vraiment si ennuyeux? Ah oui, c'est tout ce que je n'aime pas, uniquement du travail administratif.